Eh bien, monsieur le curé, cette pauvre jeune femme éprouve-t-elle un peu de mieux? L'abbé Judaine eut un geste d'infinie tristesse. Hélas, non, j'étais plein d'un si grand espoir. C'est moi qui ai décidé la famille à venir. La Sainte Vierge m'avait fait, il y a 2 ans, une grâce tellement extraordinaire en guérissant mes pauvres yeux perdus que je comptais obtenir d'elle encore une faveur. Enfin, je ne veux pas désespérer, nous avons jusqu'à demain. Monsieur Vigneron examinait ce visage de femme, dont on retrouvait l'ovale pur, les yeux admirables, maintenant anéantis, couleur de plomb, pareil au masque de la mort parmi les dentelles. « C'est vraiment bien triste, » murmura-t-il. « Et si vous l'aviez vue l'été dernier, » reprit le prêtre, « ils ont leur château à Saligny, ma paroisse, et je dînais souvent chez eux. Je ne puis regarder sans tristesse sa sœur aînée, Madame Jousseur, cette dame en noir qui est là, car elle lui ressemble beaucoup. » Et la malade était plus jolie encore, une des beautés de Paris. Comparez, voyez cet éclat, cette grâce souveraine, à côté de cette pauvre créature pitoyable. Cela serre le cœur. Quelle leçon affreuse! Il se tut un instant. Le saint homme, qui était si naturellement sans passions aucunes, sans intelligence vive qui le dérangea dans sa foi, montrait une admiration naïve pour la beauté, la richesse, la puissance, qu'il n'avait jamais enviée. Cependant, il osa exprimer un doute, un scrupule qui troublait sa sérénité habituelle. « Moi, j'aurais voulu qu'elle vînt ici plus simplement, sans tout cet appareil de luxe, parce que la Sainte Vierge préfère les humbles. Mais je comprends très bien qu'il y a des nécessités sociales. Et puis, son mari et sa sœur l'aiment tant. Songez qu'ils se sont résignés à quitter, lui ses affaires, elle ses plaisirs, si bouleversés à l'idée de la perdre, qu'ils ont toujours ces yeux humides, cet air éperdu que vous leur voyez. Aussi faut-il les excuser, de lui donner la joie d'être belle jusqu'à la dernière heure. » D'un hochement de tête, monsieur Vigneron approuvait. Ah, ce n'étaient pas les gens riches qui avaient le plus de chance à la grotte. Des servantes, des paysannes, des pauvresses guérissaient, lorsque les dames s'en retournaient avec leur maladie, sans soulagement, en dépit de leurs cadeaux et des gros cierges qu'elles faisaient brûler. Et malgré lui, il regarda Madame Chaise, qui, remise, se reposait d'un air béat. Mais un souffle courut dans la foule, et l'abbé Judaine dit encore « Voici le père Mathias qui monte en chaire. C'est un saint, écoutez-le. » On le connaissait. Il ne pouvait paraître sans que toutes les âmes fussent agitées d'une soudaine espérance, car on racontait que sa grande ferveur aidait au miracle. Il passait pour avoir une voix de tendresse et de force aimée de la Vierge. Toutes les têtes s'étaient levées, l'émotion grandit encore lorsqu'on aperçut le père Fourcade, venu jusqu'au pied de la chaire en s'appuyant sur l'épaule de son frère bien-aimé, préféré entre tous. Et il restait là, afin de l'entendre lui aussi. Son pied goutteux le faisait souffrir davantage depuis le matin. Il lui fallait un grand courage pour demeurer ainsi debout, souriant. L'exaltation croissante de la foule le rendait heureux. Il prévoyait des prodiges, des guérisons éclatantes à la gloire de Marie et de Jésus. Dans la chaire, le père Mathias ne parla pas tout de suite. Il semblait très grand, maigre et pâle, avec une face d'ascète, que sa barbe décolorée allongeait encore. Ses yeux étincelaient, sa grande bouche éloquente se gonflait passionnément. « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons !» et la foule emportée répéta, dans une fièvre qui augmentait de minute en minute, « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons !» Il ouvrait les bras, il lançait son cri de flamme, comme s'il l'eût arraché de son cœur embrasé. « Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me guérir !»« Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me guérir !»« Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dites seulement une parole, et je serai guéri !»« Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dites seulement une parole, et je serai guéri !» Marthe, la sœur du frère Isidore, s'était mise à causer tout bas avec Madame Sabatier, près de qui elle venait enfin de s'asseoir. Toutes deux avaient fait connaissance à l'hôpital, et dans le rapprochement de tant de souffrances, la servante disait familièrement à la bourgeoise combien elle était inquiète de son frère, car elle le voyait bien, il n'avait plus qu'un souffle. La Sainte Vierge pouvait se dépêcher si elle voulait le guérir. C'était déjà un miracle qu'on l'eût amené vivant jusqu'à la grotte. Dans sa résignation de pauvre créature simple, elle ne pleurait pas. Mais elle avait le cœur si gros que ses rares paroles s'étouffaient. Puis, un flot du passé lui revint, et, la bouche empâtée de ses longs silences, elle soulagea son cœur. Nous étions 14 à la maison, à Saint-Jacques, près de Vannes. Lui, tout grand qu'il était, a toujours été chétif, et c'est pour ça qu'il est resté avec notre curé, lequel a fini par le mettre dans les écoles chrétiennes. Les aînés ont pris le bien, et moi, j'ai préféré entrer en condition. Oui, c'est une dame qui m'a ramené avec elle à Paris, voici 5 ans déjà. Ah, que de peine dans la vie! Tout le monde a tant de peine! « Vous avez bien raison, ma fille, » répondit Madame Sabatier en regardant son mari, qui répétait avec dévotion chaque phrase du père Mathias. « Alors, » continua Marthe, « voilà que j'ai su le mois dernier qu'Isidore, revenu des pays chauds où il était en mission, avait rapporté de là-bas une mauvaise maladie. Alors, quand j'ai couru le voir, il m'a dit qu'il allait mourir s'il ne partait pas pour Lourdes, mais que ça lui était impossible de faire le voyage, parce qu'il n'avait personne pour l'accompagner. Alors, j'avais 80 francs d'économie, et j'ai quitté ma place, et nous sommes partis ensemble. Voyez-vous, madame, si je l'aime bien, c'est que, lorsque j'étais petite, il m'apportait des groseilles de la cure, tandis que mes autres frères me battaient. Elle retomba dans son silence, le visage gonflé de chagrin, sans que les larmes pussent couler de ses tristes yeux brûlés par l'éveil. Et elle ne bégaya plus que des mots sans suite. « Regardez-le donc, madame, ça fait pitié. Ah, mon Dieu, ses pauvres joues, son pauvre menton, sa pauvre figure. » C'était en effet un spectacle lamentable. Madame Sabatier avait le cœur retourné à voir le frère Isidore si jaune, si terreux, glacé d'une sueur d'agonie. Il ne montrait toujours hors du drap que ses mains jointes et son visage encadré de cheveux rares. Mais si les mains de cire semblaient mortes, si la longue face douloureuse n'avait plus un trait qui remuât, les yeux vivaient encore, des yeux d'amour inextinguibles, dont la flamme suffisait à éclairer tout son visage expirant du Christ en croix. Et jamais le contraste ne s'était accusé si nettement entre le front bas, l'air borné, bestial du paysan, et la splendeur divine qui sortait de ce pauvre masque humain, dévasté, sanctifié par la souffrance, devenu sublime à l'heure dernière, dans le flamboiement passionné de la foi. La chair s'était comme fondue, il n'était plus même un souffle, il n'était qu'un regard, une lumière. Depuis qu'on l'avait déposé là, le frère Isidore ne quittait pas des yeux la statue de la Vierge. Rien d'autre n'existait autour de lui, Il ne voyait pas la foule énorme, il n'entendait même pas les cris éperdus des prêtres, les cris incessants qui secouaient cette foule frémissante. Ses yeux seuls lui restaient, ses yeux brûlants d'une infinie tendresse, et il s'était fixé sur la Vierge pour ne jamais plus s'en détourner. Il la buvait jusqu'à la mort, dans une volonté dernière de disparaître, de s'éteindre en elle. Un instant, la bouche s'entr'ouvrit, une expression de béatitude céleste détendit le visage. Puis, rien ne bougea plus, les yeux demeuraient grands ouverts, obstinément fixés sur la statue blanche. Quelques secondes s'écoulèrent. Marthe avait senti un souffle froid qui lui glaçait la racine des cheveux. « Dites donc, madame, regardez !» Anxieuse, madame Sabatier feignit de ne pas comprendre. « Quoi donc, ma fille ?»« Mon frère, regardez! Il ne bouge plus. Il a ouvert la bouche, et puis il n'a plus bougé. » Alors, toutes deux frémirent dans la certitude qu'il était mort. Il venait de passer, sans un râle, sans un souffle, comme si la vie s'en fût allée dans son regard, par ses grands yeux d'amour, dévorant de passion. Il avait expiré en regardant la Vierge, et rien n'était d'une douceur comparable. Et il continuait à la regarder de ses yeux morts, avec d'ineffables délices. « Tâchez de lui fermer les yeux !» murmura madame Sabatier. « Nous saurons bien !» Marthe s'est élevée, et, se penchant pour qu'on ne la vît pas, elle s'efforça de fermer les yeux d'un doigt qui tremblait. Mais chaque fois, les yeux se rouvraient, regardaient de nouveau la Vierge, obstinément. Il était mort, et elle dut les laisser grands ouverts, noyés d'une extase sans fin. « Ah, c'est fini, c'est bien fini, madame !» bégaya-t-elle. Deux larmes crevèrent de ses paupières lourdes, coulèrent sur ses joues, tandis que madame Sabatier lui saisissait la main pour la faire taire. Des chuchotements avaient couru, une inquiétude déjà se propageait. Mais quel parti prendre ? Au milieu d'une telle cohue pendant les prières, on ne pouvait emporter ce corps sans courir le risque de produire un effet désastreux. Le mieux était de le laisser là en attendant un moment favorable. Il ne scandalisait personne. Il ne semblait pas plus mort que 10 minutes auparavant, et tout le monde pouvait croire que ses yeux de flamme vivaient toujours dans leur ardent appel à la divine tendresse de la Sainte Vierge. Seuls, parmi l'entourage, quelques personnes savaient. Effaré, M. Sabatier avait questionné sa femme d'un petit signe, et, renseigné par une muette et longue affirmation, il s'était remis sans révolte à prier, pâlissant devant la mystérieuse toute-puissance qui envoyait la mort lorsqu'on lui demandait la vie. Les vignerons, extraordinairement intéressés, se penchaient, chuchotaient, comme à la suite d'un accident de la rue, un de ces faits divers que le père à Paris rapportait parfois de son bureau et qui occupait toute la soirée. Madame Jousseur s'était tournée, avait murmuré un simple mot à l'oreille de Monsieur Dieu l'a fait. Puis, ils étaient retombés l'un et l'autre dans la contemplation navrée de leur cher malade. Tandis que l'abbé Judaine, averti par Monsieur Vigneron, s'agenouillait, disait à voix basse, très émue, les prières des morts. N'était-ce point un saint, ce missionnaire, revenu des pays meurtriers avec sa blessure mortelle au flanc, pour mourir là, sous le regard souriant de la Sainte Vierge? Et madame Maze était prise du goût de la mort, résolue à supplier le ciel de la supprimer ainsi, discrètement, s'il ne l'exauçait pas en lui rendant son mari. Mais le cri du père Mathias monta encore, éclata avec une force de désespérance terrible dans un déchirement de sanglots. « Jésus, fils de David, je vais périr, sauvez-moi !» Et la foule sanglota après lui, « Jésus, fils de David, je vais périr, sauvez-moi !» Puis, coup sur coup, les appels s'entêtèrent à crier de plus en plus haut la misère exaspérée du monde. « Jésus, fils de David, ayez pitié de vos enfants malades !»« Jésus, fils de David, ayez pitié de vos enfants malades !»« Jésus, fils de David, venez, guérissez-les et qu'ils vivent !» Jésus, fils de David, venez, guérissez-les et qu'ils vivent. C'était du délire. Le père Fourcade, au pied de la chaire, gagné par l'extraordinaire passion qui débordait des cœurs, avait levé les bras, criant lui aussi de sa voix de foudre pour violenter le ciel. Et l'exaltation croissait toujours sous ce vent du désir dont le souffle courbait la foule de proche en proche jusqu'aux jeunes dames simplement curieuses assises là-bas sur le parapet du gave, blêmissantes sous leurs ombrelles. La misérable humanité clamait du fond de son abîme de souffrance et la clameur passait en un frisson sur toutes les nuques et il n'y avait plus là qu'un peuple agonisant, se refusant à la mort, voulant forcer Dieu à décréter l'éternelle vie. Ah, la vie, la vie! Tous ces malheureux, tous ces moribonds accourus de si loin, parmi tant d'obstacles, ils ne voulaient qu'elle, ils ne réclamaient qu'elle, dans un besoin désordonné de la vivre encore, de la vivre toujours. Ô Seigneur, quelle que soit notre misère, quel que soit notre tourment de vivre, guérissez-nous, faites que nous recommencions à vivre pour souffrir de nouveau ce que nous avons souffert. Si malheureux que nous soyons, nous voulons être. Ce n'est pas le ciel que nous vous demandons, c'est la terre. C'est de la quitter le plus tard possible, c'est de ne la quitter jamais si votre pouvoir daignait aller jusque-là. Et même lorsque nous n'implorons plus une guérison physique, mais une faveur morale, c'est encore le bonheur que nous vous demandons, le bonheur dont la soif unique nous brûle. Ô Seigneur, faites que nous soyons heureux et bien portants, laissez-nous vivre, laissez-nous vivre. Ce cri fou, le cri du furieux désir de la vie jeté par le père Mathias, se brisait, sortait en larmes de toutes les poitrines. Ô Seigneur, fils de David, guérissez nos malades. Ô Seigneur, fils de David, guérissez nos malades. Deux fois, Berthaud avait dû se précipiter pour empêcher que les cordes ne fussent rompues sous les poussées inconscientes de la foule. Désespéré, submergé, le baron Suire faisait des gestes, suppliant qu'on vînt à son secours. Car la grotte se trouvait envahie, le défilé n'était plus qu'un piétinement de troupeaux se ruant à sa passion. Vainement, Gérard quitta de nouveau Raymonde, alla se poster lui-même à la porte d'entrée de la grille, afin de rétablir la consigne. 10 personnes par 10 personnes. Il fut bousculé, balayé à l'écart. Tout le peuple enfiévré, exalté, entrait, passait comme un torrent dans le flamboiement des cierges, jetait des bouquets et des lettres à la Sainte Vierge, baisait la roche que des millions de bouches enflammées avaient polie. C'était la foi déchaînée, la grande force que rien n'arrêtait plus. Et Gérard, alors, écrasé contre la grille, entendit 2 paysannes que le défilé charriait s'exclamer sur le spectacle des malades gisant devant elle. L'une venait d'être frappée par la face si pâle du frère Isidore, avec ses grands yeux démesurément ouverts fixés sur la statue de la Vierge. Elle se signa, elle murmura, envahie d'une admiration dévote, « Oh, vois donc celui-là, comme il prie de tout son cœur, et comme il regarde Notre-Dame de Lourdes !» L'autre paysanne répondit, « Bien sûr qu'elle va le guérir, il est trop beau !» Dans l'acte d'amour et de foi qu'il continuait du fond de son néant, le mort, avec la fixité infinie de son regard, touchait tous les cœurs, faisait l'édification profonde de ce peuple dont le défilé ne cessait pas.